Bonjour tout le monde et bienvenue sur le débat de confinement. Allez, je pense qu'on peut le dire, c'est notre dernier débat de confinement. On va pouvoir revenir à une formule un peu plus classique pour les prochaines fois. Et pour ce dernier débat de confinement, j'ai à ma table Nico alias Sweep. Salut tout le monde. Et j'ai notre ami Adrien. Salut tout le monde. Alors, pour ce dernier débat de confinement, on continue encore des émissions un peu particulières. Et là, on va s'attarder sur les éditeurs de manga. Il y a quelques années, avec Nico, sur notre feu ancien blog, on avait fait la même chose sur les éditeurs de comics. Et on s'était dit que ce serait cool, en fait, de parler de la plupart des éditeurs de manga. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire une grosse émission dessus. Et puis voilà, on s'est tous partagé un peu nos différents éditeurs et on aura un mot pour chaque éditeur et on vous fera découvrir à chaque fois des nouveaux titres. Et je pense que c'est parti tout de suite avec le premier éditeur qui est Akata Edition, qui est assez vieux parce que Akata Edition date de 2013 et à la base c'était des personnes qui travaillaient pour Tonkam avant que ça soit avec Delcourt et ils ont décidé de quitter le label Tonkam et pour créer Akata qui était affilié à l'édition Delcourt et quand Delcourt a racheté Tonkam, ils ont décidé de devenir indépendants et c'est comme ça que Akata est créé. Et ce qui est assez étonnant avec l'édition Akata, c'est que c'est la classification. Ils ont décidé de classifier les choses différemment que shonen, seinen, shoujo qu'on peut trouver dans des éditeurs parce qu'ils estiment que les termes shoujo, shonen et compagnie sont complètement dépassés parce qu'on peut tomber sur un shonen ultra sérieux un peu comme The Promised Neverland par exemple et on peut tomber sur un seinen complètement con que n'importe qui peut lire comme par exemple 50 nuances de gras et donc ils ont décidé de créer des tailles on va dire donc S, M, L, S pour jeunesse, M pour ado et L pour adulte et à ça ils ont rajouté un petit code, le bleu pour le côté masculin, le violet pour le côté féminin et le côté marron pour le mixte. Et ça, c'était la dernière classification qu'ils avaient fait. Donc, pour les anciens qui sont habitués aux éditions Akata depuis 2014, c'est ce qu'ils ont fait. Mais ils ont décidé de révolutionner la chose en 2019 avec une nouvelle classification où là, ils suppriment le genre masculin-féminin et ils font un code couleur. Donc, un bleu pastel, c'est pour les jeunes. Le rouge, c'est pour les ados. Et le bleu nuit, c'est pour les adultes. Et à ça, ils ont aussi inventé des codes couleurs pour des one-shot et médiums. Donc, c'était un côté assez intéressant d'Akata que je voulais absolument parler. Et parce que c'est pas quelque chose qu'on croise tous les jours et c'est quelque chose qui est assez sympathique parce que même des éditeurs français des plus connus comme Tonkam se trompent sur les classifications. Par exemple, Nana est considérée chez Tonkam comme un shoujo alors que c'est clairement un shosei. Donc voilà. Comme type de lecture, chez Akata, je vais vous conseiller sans hésitation M ton prochain, qui est pour moi le manga que je préfère le plus chez eux et que je conseille fortement parce que je trouve ça très creepy, très très dark et très psychologique. Donc c'est un manga que je conseille énormément. Et puis après, la dernière lecture que j'ai lue, il y a On proie au silence, mais ça j'en parlerai dans un futur lirambule. Après avoir parlé longuement d'Akata, attendez. Est-ce qu'il y a des personnes qui conseillent des lectures chez Akata? Moi, j'en avais une. C'était Dernière Heure, qui était assez sympa. En 4 tomes, c'était assez... ça a foncé, ça allait très vite, mais c'était quand même assez sympa comme lecture. Donc voilà. Ouais, après, c'est vrai qu'Akata, très juste ce que tu dis, Akata, leur spécialité, c'est des... Enfin, ils aiment bien les courtes séries. On prend au silence qui est sorti en janvier, une série terminée au Japon, il n'y a que 8 tomes. Donc c'est vrai que ça ne prend pas beaucoup de place dans les collections et c'est assez sympa. Donc voilà, Adrien, Shakata, toi, tu n'as rien De tête, là, non, je ne crois pas. Non. D'accord. Donc c'est bon, là, je vais attaquer le prochain éditeur qui est Black Box Edition, qui est une vieille maison d'édition. Ça date de 2007 et à la base, c'était des éditeurs de vidéos. Ils sortaient de vieux animes comme Goldorak et compagnie et c'est comme ça que la plupart des gens connaissent Black Box Edition et ce fut en 2013 qu'ils ont décidé de franchir un nouveau cap et créer un label manga et ils sortent exclusivement que des vieux mangas également. J'en ai pas vu, c'est pas quelque chose que j'ai fait absolument attention dans mes librairies parce qu'en fait on ne peut pas les trouver. C'est un éditeur qui a choisi également l'autodiffusion, donc soit via leur site internet, soit sur Amazon, soit sur la Fnac.com. S'il n'y a que là qu'on peut trouver leur manga, c'est bien dommage. Par contre, on peut voir qu'ils ont quelques titres intéressants comme Le Collège Foufoufou, ça c'est pour les anciens, ou encore Goldorak, qui est une des séries les plus connues dans les années 80. Vous avez des choses, des lectures chez Black Box Edition? Vous connaissiez, vous, ou pas du tout? Ouais, je connaissais de nom, mais je sais pas si c'est eux qui font... Non. J'allais dire Albator, mais je crois pas. Non, c'est pas eux, c'est Kana qui dit ça. D'Albator. Et voilà. Par contre, comment trouvez-vous cette idée de s'auto-publier uniquement via Amazon et Fnac.com? Ça tue un peu le commerce, ça, non? Moi, je pense que c'est un pari risqué. C'est, ouais, je suis d'accord. Moi, je connaissais juste de nom. Mais j'ai rien, parce que tu peux pas trouver, quoi. Ouais, en fait. Tu vas réussir à les trouver parce que, ben, heureusement pour eux, entre guillemets, ils ont des gros titres comme Goldorak ou quoi, tu vois. Donc, ceux qui veulent se remettre dans ces lectures-là, ils vont vite trouver. Et donc, du coup, ça va leur permettre aussi de découvrir d'autres titres de chez eux. Mais par contre, tu vois, genre moi, c'est vrai que les achats de mangas ou de comics, c'est directement en librairie que je le fais et où je passe. J'achète plus rien sur Fnac ou Amazon, sauf des vieux titres comme par exemple chez Kiun Supérieur que je me suis acheté en occasion parce que c'est plus publié, tu vois. Donc là, ouais, forcément, je vais aller les chercher sur des réseaux, tu vois. Mais ouais, tu vois, des nouveaux titres chez Black Box Edition, tu vois, je vais pas avoir l'idée d'aller chercher forcément dessus parce que je suis vraiment en librairie, quoi, les achats. Donc, je trouve que c'est risqué. Voilà. Après, okay. Si ça marche, tant mieux pour eux. Au contraire, c'est cool. Donc là, en plus, via cette petite émission, on va pouvoir un peu leur faire de la pub. Mais voilà. Parmi les séries aussi que j'ai vu qu'ils ont, pour ceux qui s'attendent, ils ont les Mister Hajiko, c'est-à-dire que plus connu sous le nom de Petit Chef. C'est la vieille série qui passait aussi à l'époque. Ouais. Pour les anciens, quand même. C'est beaucoup d'anciens mangas, je trouve. Ouais. Heureusement connus. C'est sûr, après, c'est un sacré risque, mais bon, si ça fonctionne pour eux, pourquoi pas. Et si, ils sont aussi présents dans les salons, je crois, Black Box Edition. Tu les vois dans les salons. Ah oui, par contre, ils sont présents dans les salons. Et voilà, bah, écoute, je pense que là, je vais attaquer le prochain éditeur. Un éditeur qui, que au fond, je sens qu'Adrien va beaucoup acheter là-bas. c'est l'éditeur, enfin, c'est pas vraiment un éditeur, c'est un label, et c'est le label Boy Love, qui est qui fait exclusivement que du yaoi. Donc, yaoi, ce sont des lectures. Pour jeunes femmes ou jeunes adultes hein, où on voit des couples gays quoi tout simplement c'est le label du IDP distributeur qui était connu pour faire surtout de la distribution d'animés. Ils ont décidé de créer donc Boy Love. Et en même temps, ils ont créé un deuxième label qui s'appelle Hot Manga, qui propose de l'hentai. Je ne peux pas conseiller de lecture, j'en lis pas. Adrien, peut-être, t'en as ? Non plus, non. Tu me déçois, moi qui pensais que tu étais notre expert, je pensais que tu non, non, c'est toi notre expert. C'est toi notre expert en ça, Jeff. Non, en Yuri, en Eki, c'est tout. Moi, je ne suis pas très... Parce que même moi, ça, j'en dis pas beaucoup. Ouais, mais c'est sympa, ça change un peu le rythme. Nico, est-ce que toi, tu as une lecture par hasard sur Boys Love ? Pas du tout, non. Alors là, je suis loin de là. Donc, bon, ben pour ceux qui ont des mangas de Boys Love, n'hésitez pas à nous en faire part sur nos réseaux sociaux et de nous conseiller des titres. Je sens que notre expert manga en profitera pour les acheter, les lire et en parler sur l'Irambule. Et sur ce, et ben on va attaquer une autre maison d'édition qui est une maison d'édition très très connue et pas que en ce qui concerne les mangas. Je vais parler de Casterman qui est une maison d'édition qui existe depuis, qui a été fondée en 1777. Ça date pas d'hier. Catalogue très très connu parce qu'on a tous eu du Casterman à la maison avec par exemple les aventures de Tintin qui ont été publiées chez eux, mais on peut citer également Alix, Corto Maltese, Martine, il y a également dernièrement qui vient de sortir des séries un peu plus sympathiques comme UW2 que je crois que Nebu nous en avait parlé sur un des podcasts qu'on avait eu avec lui au tout début. Et c'était dans les années 2000 qu'ils ont décidé de lancer une collection manga qui s'appelle le Saka. Et il y a de bons titres qui s'y trouvent, comme par exemple L'habitant de l'infini, qui est pour moi un grand titre, peut-être le plus grand titre qu'ils peuvent avoir, qui est un super seinen. Et je vous conseille le dernier animé qui est sorti sur Prime Video. Si vous aimez l'ambiance, je pense que vous pouvez foncer pour acheter le manga qui va poser encore plus l'histoire. Donc voilà. Et il y a également Glouton et Dragon qui est un titre seinen, mais beaucoup plus humoristique, un peu beaucoup moins intéressant que L'habitant de l'infini. Adrien, tu avais quelque chose à dire sur L'habitant de l'infini ? Ouais, c'est un vieux manga, mais qui est vraiment dans le style assez... c'est vraiment du seinen gore, mais dans une ambiance très samouraï, des temps anciens. L'animé, vraiment, je vous le conseille, parce qu'ils ont réussi en fait à remettre cette vieille ambiance, tu sais, des animés des années 90, tu vois, mais avec des sons très typiques, traditionnels d'antan. Franchement, il est vraiment très, très bien, l'animé. Et la série, en général, est très bien aussi. Ce que j'avais regardé, le vieil animé d'avant, qui était déjà sorti il y a quelques années. Donc, ouais, Habitant d'infini à conseiller vraiment vivement. C'est un très, très bon. Et toi, Nico, est-ce que tu as des lectures sur Casterman ou comme toi, Adrien, est-ce que vous avez des choses à conseiller autre que L'habitant de l'infini ? Pas du tout. C'est le titre phare que je connais le plus, en tout cas. Ok, ben écoutez, c'est le moment pour moi de vous laisser la parole et je vais laisser Nico présenter Cornelius. Alors, Cornelius, c'est une très vieille maison d'édition. J'ai vu que ça a été créé en 1991. Et ben, en fait, c'est une maison d'édition, surtout un peu comme Casterman, ben, à la base, plutôt côté BD, même s'ils se sont fait après un peu à l'édition du manga. Alors, j'ai regardé, franchement, ce qu'ils proposent. En soi, c'est des trucs qui, pour nous, sont pas du tout connus. Mais j'avoue que j'ai peut-être trouvé quelque chose qui m'a pas mal titillé. C'est en effet pas mal d'œuvres de Shigeru Mizuki, qui, en fait, à travers plusieurs œuvres, va parler un peu de la culture des yokai. Donc, la culture des yokai, les démons japonais, esprits japonais, pour tous ceux qui connaissent. Et donc, par exemple, il a fait des œuvres comme Yokaido ou encore À l'intérieur des yokai. Et apparemment, ça semble être un peu la spécialité de Shigeru Mizuki de travailler pas mal sur ces sujets. Mais voilà, après c'est une maison d'édition. Quand je regarde la plupart des mangas qu'ils ont, c'est des choses qui, pour nous, bah, sont carrément étrangères, je pense. Donc voilà. Étrangère, mais ouais. Non, après, pour vous, je ne sais pas si vous avez quelque chose que vous connaissez de Cornelius, mais je pense pas. Non. Alors, non, là, franchement, C'est j'en ai pas. ouais. Cornelius, c'est assez retiré quand même de ce que j'ai vu. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Et par rapport à moi, quand je vois tout ce qui est fan de manga et tout, la plupart des trucs que j'ai vus, c'est des trucs qui, même pour moi, me sont inconnus. Mais est-ce que ça t'a donné envie d'essayer d'acheter ou pas du tout Ouais, mais justement, là, toutes les œuvres de Shigeru Mizuki sur les yokai, ça a l'air assez sympa. Bon, après, j'ai tellement de trucs à acheter que du coup, je pourrais pas dire que c'est ma priorité, mais pour moi, c'est le truc qui m'intéresse le plus, par exemple, chez Cornelius. D'accord. Bon, ben, si t'as fini, on va Ouais. parler de Delcourt. Delcourt, mais également Soleil. Parce que Soleil fait partie de ce grand groupe. Alors vite fait, je vais quand même parler de Delcourt pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un éditeur de BD franco-belge, mais pas que, mais également de comics et également de mangas. Ça a été créé en 1986 et bah, à l'époque. À l'époque, ils ont essayé de s'ouvrir vers du grand public et au fur et à mesure, mais ils se sont dirigés vers de nouvelles choses, dont l'acquisition des éditions Tonkam en 2005 et en 2011, c'était l'acquisition de Soleil. Soleil, je vais laisser un peu plus la parole à Adrien, peut-être qu'il aurait un peu plus de choses à dire. Et voilà. Par contre, chose qui est intéressante avec Delcourt, c'est qu'il publiait des mangas avant d'acheter Tonkam, parce que les nanas étaient sorties sous le terme de Delcourt, et non de Tonkam. Vas-y, Adri, t'as des choses à rajouter sur Soleil ou pas? Oui, donc du coup, en fait, c'est une maison d'édition qui a été créée en 2003. Donc voilà, donc elle s'est après spécialisée donc, dans les mangas avec les genres connus que tout le monde connaît, donc les shonen, seinen, shoujo et même des héros. Tout ce qui est érotique. Donc voilà, il y a des grands noms du coup sur Soleil. On peut retrouver Gambling School, donc qui a eu deux saisons d'animé. Prison School aussi, qui est très connu. Ils ont sorti aussi récemment, ils ont adapté Zelda, Twilight Princess, en manga. Et c'est aussi eux, Soleil, qui publient les encyclopédies de Zelda. Donc voilà. Il y a quelques années, ils ont aussi publié plusieurs séries sur le thème de Warcraft, en édition simple et aussi collector, qui sont maintenant assez rares à trouver. Donc voilà. Et donc moi, j'ai surtout un titre à vous conseiller de chez Soleil Manga qui va sortir dans les jours qui viennent ou dans le mois qui vient. Ça s'appelle Backstreet Girl. Et voilà. Et oui, il va C'est être quoi ça? publié chez Soleil Manga. Non, mais tu te moques de moi, Nico. Tu étais On avec l'a nous regardé à ensemble, Pentecuite. Nico. À Pentecuite, on Ah l'a oui, non, c'est, regardé. oui, non, mais parce que moi, oui, c'est moi, j'ai l'autre nom en tête là, mais oui, ben, c'est vrai que j'ai vu qu'il diffusait ça. Voilà, donc C'est pour ceux Backstreet. qui ont vu l'animé sur Netflix comprendront quoi. Voilà, Ah, donc en je sens que gros. ça, je vais acheter. Ah oui, donc voilà, il sort ce mois-ci, je crois, ou le mois prochain chez Soleil Manga, Backstreet Girl. Donc c'est quoi? En fait, ça parle d'un groupe de Yakuza. Et en fait, il y a trois jeunes, enfin trois Yakuza qui font en fait qui font une grosse erreur au sein de leur groupe. Et donc, le chef des Yakuza, en fait, leur dit, ouais, en gros, vous pouvez vous couper toutes les doigts de la main, ça ne suffira pas à vous racheter. Et qu'est-ce que je vais faire de votre vie? Et les trois disent, ben, faites ce que vous voulez de notre vie, on fera tout pour se racheter. Et du coup, le patron donc, de ce groupe de Yakuza va envoyer ces trois gars-là en Thaïlande se faire opérer. Et en fait, ils vont revenir en tant que femmes, que filles, pour devenir des idoles, en fait. Et alors, ce qui est très, très drôle, c'est qu'en fait, aux yeux du public, ils vont devoir vraiment être... se comporter comme de jeunes idoles très féminines, sauf qu'en backstage, eh ben, en fait, ils retrouvent leur posture et leur réflexion et même leur mimique de Yakuza, et c'est très très drôle. Voilà. Avec le boss qui est complètement taré en disant merde. J'ai le terme que les artistes doivent pas aller pisser, ne doivent pas manger un burger, enfin voilà, c'est il va être kawaii tout le temps, quoi. C'est il va vraiment les former en tant que idole, mais à la manière dure comme des yakuza, quoi. Genre enfermé dans une pièce sans lumière à regarder des vidéos de d'idole pendant 24 heures d'enfilée sans dormir, sans manger, voilà. C'est très très drôle. Je viens de regarder par curiosité sur l'application Manga Collect. Backstreet Girl donc, est pour le moment 8 tomes. L'édition est toujours en cours. Les 7 premiers sont disponibles apparemment à la vente. On peut les acheter dès la fin du confinement. Et le 8e tome sortira que le 6 janvier 2021. Je viens de voir ça. Pour info. Alors moi, point de vue Tonkam, j'ai aussi quelques conseils que j'ai beaucoup, des mangas que j'ai beaucoup aimés. Bon, il y a Food Wars que je conseille énormément. Pour ceux qui ont Netflix, n'hésitez pas à aller voir Food Wars. Il y a les 2 saisons disponibles où en fait on suit l'histoire de Soma qui veut reprendre le restaurant familial. Mais ce problème, c'est que pour le reprendre, il y a le père qui lui dit ben, il faut que tu ailles étudier dans un lycée où on va t'apprendre la cuisine. Et c'est assez drôle, on voit des combats de bouffe et compagnie. À chaque fois que je regarde un épisode de Food Wars, ça me donne faim. Je ne sais pas pour vous. Alors moi, j'ai beaucoup aimé Food Wars. Alors oui, forcément, ça donne faim. Mais comparé à... Alors, j'ai dû lire que deux mangas sur l'histoire de la nourriture. C'est Glouton et Dragon et Food Wars. Ce que j'ai préféré, c'est Food Wars. Pourquoi ? Parce que je trouve que derrière le thème principal, qui est donc de faire la cuisine et la nourriture, tu as vraiment une intrigue et une histoire derrière ça, en fait. C'est plus un combat, vraiment, la nourriture. Ils se servent de la nourriture comme combat, mais derrière, tu as des vraies intrigues, je trouve, une vraie intrigue derrière l'histoire, pas un vrai scénario, mais voilà, plus un scénario. Ce que j'ai regretté un peu dans Glouton et Dragon, lors de ma lecture, en tout cas du premier tome, où en fait, je trouve que d'un chapitre à l'autre, on voit pas forcément l'investigation du donjon, tu vois, la découverte du donjon, c'est plus, on fait une pause, on vous explique comment faire le repas, et puis on mange, et puis le chapitre d'après, c'est... vraiment, genre une page sur on a fait un combat, on a faim, tu vois. Il y a moins d'intrigue, il y a moins de fil rouge, je trouve. Ce qui est sympa dans Food Wars, dans le manga, c'est que entre chaque chapitre, il vous donne des vraies recettes que vous pouvez faire à la maison. Ouais, c'est bien mené parce que c'est juste genre une page vite fait explicative, tu vois. C'est pas les personnages vraiment qui vont te dire comment cuisiner. Tu vois, non, c'est mais c'est une interlude en fait, hein, comme on peut voilà, avoir dans une page, tu vois, rapide. Tu la lis pas, c'est pas grave en fait, en gros. Ouais, mais généralement ça me donne encore plus faim. J'aurai mon frigo voir si je peux pas le faire. Donc voilà, il y a Sacrificial Vote que j'aime beaucoup, qui est une mini-série en 5 tomes, 5 ou 6 tomes, qui est terminée au Japon, où on voit des groupes de... Enfin, vous suivez une classe de lycéens qui doit voter contre un élève. Ils ont le choix entre deux élèves de mémoire et ils votent contre cet élève. Et cet élève peut être repêché. S'il n'est pas repêché, par contre, il voit sa vie se faire détruire, détruire d'une... Comment dire ? Détruire socialement. En fait, et c'est un seinen que j'ai beaucoup apprécié, et voilà, ça je peux conseiller. Il y a le tome 4 et 5 qui vont sortir au mois de juin-juillet, et le dernier tome, la dernière série que je peux conseiller chez Tonkam, j'en parle suffisamment pour que tout le monde puisse deviner, c'est Love X Dilemma. Bon, on en a parlé tellement que je vais pas plus continuer à en parler que ça. Après Delcourt, Tonkam, Soleil, je vais continuer de parler de Doki Doki, qui est un éditeur qui est assez vieux. Il a été, encore une fois, c'est pas vraiment un éditeur, c'est une collection de Bambou Éditions, et ils ont créé ce label ou collection en 2006. Et en fait, c'est là où Bambou Éditions achète. C'est là que Bambou Édition met tout leur manga, et ils sont assez réguliers parce qu'ils publient entre 4 ou 5 tomes par mois, donc c'est pas mal, ça fait un tome par semaine en moyenne, et avec des registres assez variés. On peut retrouver de l'action, on peut trouver de l'aventure, de l'horreur, du culinaire, et etc. Et plus ça va, plus ils proposent de bons titres. Un des titres que j'ai beaucoup aimé sur Doki Doki, le seul que j'ai, c'est 50 nuances de gras, où on suit l'histoire d'une elfe qui a réussi à aller sur Terre, et elle découvre les pommes de terre. Et elle a un amour incroyable pour les pommes de terre. Et le problème, c'est qu'elle ne peut pas rentrer, elle ne peut pas repartir dans son monde d'origine. Il faut qu'elle fasse exactement le même poids qu'au moment où elle est arrivée. Donc, on la voit en train d'essayer de maigrir. Et on a le mangaka qui nous donne pas mal de conseils pour nous également. Donc c'est un côté assez intéressant et assez éducatif, j'ai trouvé. Pourtant, je ne suis pas celui-là qui mange le moins dans le groupe, mais ça nous permet d'apprendre pas mal de choses. Après, honnêtement, chez Doki Doki, je n'ai pas d'autres titres, je connais pas plus. Est-ce que vous en avez, les gars ? Non, de tête, là, comme ça, non. Moi, j'en ai... un que j'ai pas lu mais qui m'a toujours tenté, surtout par les dessins, les gars, la manière, ouais, le dessin surtout, c'est Sunken Rock Boichi, et c'est, je verrai un jour peut-être pour me les prendre, mais c'est un truc, rien que par le dessin déjà ça me tente beaucoup, et c'est Doki Doki qui les fait, je viens de le voir. Ouais et c'est un truc que j'en ai souvent entendu parler d'ailleurs, donc ça doit être pas mal, je pense. Sunken Rock, je viens de regarder, c'est 25 tomes et c'est terminé, donc pourquoi pas. Et ils sont en train de les ressortir progressivement en version deluxe. Pour toi, Nico, je te le dis, donc tu peux les acheter en version deluxe si tu veux. Ah si, j'ai un super manga à conseiller de chez Doki Doki. Ah, c'est quoi ? C'est Freezing. Alors, Freezing. Ouais, Freezing, c'est un vieux manga, plus de 33 tomes, je crois, qui n'est même pas fini. Alors bon, c'est un peu... voilà, il faut un peu être courageux pour commencer là-dessus, mais c'est vraiment un très très bon manga, voilà, de l'action, shonen, voilà, c'est très très bien. En plus, c'est très bien. Ouais, alors en plus, c'est très très bien. Alors, je viens de regarder cette histoire de Freezing. En plus d'avoir donc une série principale, tu as également deux spin-offs. Oui. Donc c'est bien si vous voulez, si vous avez de la place dans vos bibliothèques, foncez. Sinon, c'est un peu casse-couille. Après, pour le résumé de Freezing, c'est pour contrer une invasion extra-dimensionnelle. L'Académie Genetics entraîne l'élite guerrière mondiale formée de filles aussi sexy qu'impitoyables et d'un binôme masculin. Au milieu de ces furies débarque le jeune Kazuya, dont la sœur est tombée au champ d'honneur en affrontant les Nova. C'est alors la rencontre choc avec Satellizer, la fille la plus féroce du campus, et il croit reconnaître sa sœur décédée. Donc voilà, ça c'est l'histoire de Freezing. Voilà, c'est un peu l'histoire. Ce qui se passe, c'est que les Nova, effectivement, c'est une race extraterrestre qui arrive sur Terre il y a déjà quelques années. Et donc les filles, en fait, peuvent combattre, en fait, ont les armes et les capacités de combattre, en fait, les Nova. Et le binôme masculin, lui, en fait, il va avoir la capacité de, ben, en fait, d'où le nom Freezing, de geler, en fait, entre guillemets, le Nova, le train. Mais en fait, ils doivent être vraiment en duo pour pouvoir le faire. Et la capacité du héros, c'est qu'il n'a pas besoin d'être en duo vraiment pour pouvoir geler les ennemis, en fait. Il a la capacité de pouvoir le faire avec n'importe qui. Donc voilà, c'est un peu l'histoire de base, mais c'est vraiment très très bien. Ok, et voilà. Ben là, on va passer directement à notre prochain éditeur. Ben, tu peux garder la parole, c'est à ton tour, Adrien, de parler de Glénat. Ouais, alors juste avant Glénat, je vais parler aussi d'une petite maison d'édition, mais je voulais parler parce que c'est du 100% français et c'est la Doshin Édition, qui a été fondée il y a très peu de temps, en 2017. Par deux frères, Romain et Geoffrey Huet. Donc voilà, ils ont vraiment ils veulent vraiment, en gros, dans leur édition, que ce soit que 100% français. Donc ils écrivent, ils éditent et distribuent leurs mangas en auto-édition. Donc voilà, avec des créations originales. Voilà, ils veulent promouvoir vraiment le savoir-faire français. Donc voilà, c'était un petit une édition que je voulais parler. Donc en titre, vous avez My Magical Girlfriend qui est terminée, une série finie, et en ce moment donc toujours en cours deux mangas Yggdrasil Sentai sur l'univers viking, mais avec des héroïnes à la tête de ce manga et Shinobi Eri. Voilà. Vous pouvez les retrouver. Les acheter en librairie ou sur leur site internet, et même en convention, ils sont assez très présents sur les conventions. Voilà. Bon, Glénat maintenant. Et maintenant, Glénat, très très vieux éditeur, hein, créé en 1990. Il démocratise vraiment le genre manga en France parce que c'est eux qui vont publier le grand Akira de Katsuhiro Otomo. Donc, qui est vraiment un très, très gros titre. Voilà, donc c'est grâce à eux qu'ils se font connaître et qu'ils font aussi connaître un peu le manga en France, mais vraiment à leur début, hein, 90, c'est il y a longtemps. Donc voilà, ils ont publié certains de leurs mangas en pré-publication dans un bimestriel, donc qui s'appelait Kamea. Donc, ils en ont sorti à partir de juillet 1994. Jusqu'en janvier 98. Donc, en 4 ans, ils ont eu ce magazine-là qui ont eu en tout et pour tout 32 numéros. Donc, ils faisaient partie donc, du test des pré-publications, comme on a pu un peu en parler dans notre premier podcast. Donc voilà. Et forcément, ils n'ont pas duré très longtemps, 4 ans, mais c'est quand même plus que d'autres éditeurs. Après, Glénat, forcément, de très gros titres d'édition, hein, avec Dragon Ball, One Piece, Gun, Bleach, et surtout, et mon préféré, Berserk, forcément. On parlera plus en détail dans un prochain numéro de Chemin de l'Irambule. Donc voilà pour Glénat. Alors, moi, chez Glénat, tu en as cité des gros, mais il y en a un que je me fais un plaisir de relire actuellement en édition de luxe, c'est Ranma et demi, que j'adore énormément et que je prends toujours, enfin, je rigole toujours comme un con quand je lis les aventures de Ranma. Est-ce que ça vaut le coup de présenter le personnage, vu comment, c'est un peu moins renommé que Dragon Ball, mais bon. Je pense pas qu'il y ait... Ça fait partie des gros titres des années 90, Anne Marie. C'est ça. Donc, je ne vais pas en parler, mais voilà, ils sont en train de le ressortir en édition de luxe au fur et à mesure, et il me semble que c'est quasiment terminé. Et voilà, donc pour vous, si vous êtes amoureux, enfin, si vous aimez ce vieux animé, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur le manga écrit. C'est tout aussi drôle, si ce n'est même pas plus drôle. Donc voilà, et maintenant, je pense que tu as terminé. Oui, voilà. Bah, après, Glénat, c'est une grosse maison d'édition. Donc, mais voilà, ça fait partie des plus vieilles qu'on peut trouver en France. Donc, voilà. Et donc, on va passer avec Nico chez Kana. Alors, Kana, ben, ouais, là aussi, c'est quand même une assez vieille maison d'édition. Créée en 1996. Elle fait même partie du groupe Dargaud. Donc, pour dire que c'est quand même quelque chose d'assez gros. C'est tellement vieux aussi, d'ailleurs, que ça a connu le succès avec des vieilles séries comme Hunter x Hunter, Saint Seiya, Détective Conan, Slumdog et surtout Naruto, qui a été la grosse série récemment. Après, en soi, ouais, moi, je sais, on a tous des coups de cœur. Moi, actuellement, par exemple, chez Kana, je suis en train de me lire Les Monsters, qui est vraiment bien. C'est aussi qu'ils nous ont sorti Death Note. Donc, Kana, ouais, assez vieux, beaucoup de grosses séries. Je pense que même vous, de votre côté, vous allez en avoir beaucoup, des bonnes lectures de Kana à conseiller. Parce qu'ils ont vraiment sorti pas mal de choses. Ah oui, effectivement, Kana, c'est un gros. Moi, je suis en train de lire de chez Kana, qui est peut-être un peu moins connu. Il fait partie des CNN. C'est Ragna Crimson. Voilà, c'est un jeune chasseur de dragons, en fait, qui, pour protéger... une des grandes chasseuses de dragons, lui, il est jeune, il est encore inexpérimenté, assez faible. Il va vouloir vraiment la sauver à tout prix et il va y avoir un gros cliffhanger où en gros son lui du futur qui est devenu ultra fort va lui passer en fait tous ses pouvoirs du futur en fait. Donc en tant que jeune, il va en fait recevoir une grande puissance et il va pouvoir sauver donc la fille qu'il aime, qu'il n'avait pas pu sauver dans son autre futur. Et il va pouvoir un peu modifier vraiment toute la chronologie de l'histoire. Donc voilà. Alors ce qui est bien, c'est qu'il a tous ses pouvoirs, mais il ne les contrôle pas forcément beaucoup parce qu'il est encore jeune. Et voilà. Donc voilà. Bon, alors moi, chez Kana, j'ai Moriarty que j'ai beaucoup aimé. On replonge dans l'univers de Conan Doyle, donc avec Sherlock et compagnie, mais au lieu de se concentrer sur Sherlock Holmes, on se concentre sur Moriarty et sur son rêve de voir la monarchie tomber. Alors, je crois qu'on va bientôt avoir le sixième et septième tome qui va sortir prochainement en librairie. Et voilà, c'est vraiment le conseil que je peux donner. C'est Moriarty, c'est vraiment un CNN, encore une fois, que j'ai beaucoup aimé. Et sur la fin, ça se mélange même avec du James Bond. Donc je me demande comment ils vont réussir à s'en sortir avec ce mélange des genres. Mais voilà, je conseille. Également, chez Kana, pour nos fans de comics, il y a également la série Batman qui est sortie. Tu conseilles vraiment une série Batman manga? Non, je déconne. Je dissocie directement, moi, de tout propos et de cette équipe, sinon. Alors, Batman du coup, c'est eux qui ont le Batman Ninja aussi, du coup? Oui, c'est eux qui ont le Batman Ninja. Oh, bon, encore Batman Ninja, moi je trouve que... Non, c'est parti en live. C'est parti en live, mais ça passe. Comparé à Batman, Justice League, là, qui nous ont sorti, franchement, j'ai lu le premier tome parce que je me suis dit, bon, on va tenter. C'était nul. Voilà. Je suis allé jusqu'au second tome, histoire de me faire vraiment du mal et me dire que c'était nul. Et oui, mais pas des mazos, Jeff, on le sait, donc bon. donc voilà. Bon, mais après cette belle révélation sur Kana, on va. Ils ont des bons titres, attention. Hein. Oui. Il ne faut pas s'arrêter à là. Oui. Hein. Bah, allez, comme dernier gros titre, je ne sais pas si tu l'as cité, mais il y avait Yu-Gi-Oh! qui était sorti chez Shikana. C'est Yu-Gi-Oh, c'est vraiment les trucs à l'ancienne, quoi. C'est bien aussi, les trucs à l'ancienne. Laisse-nous être des vieux cons pour une fois. Dans le bon sens du terme. Donc voilà. Après avoir parlé de Kana, on va s'attaquer à Kaze avec toi, Adri. Ouais, donc ben, Kaze, gros groupe, hein, donc lancé fin 2009 par le groupe Kaze, qui est le premier éditeur en France d'animation japonaise. Donc c'est un nouveau label qu'ils sortent suite en fait à l'achat du groupe par associé Viz Media Europe et Chopro en fait. Donc voilà, ils nous offrent aujourd'hui donc un large panel de choix hein, parmi leurs collections shonen, seinen, shoujo et même une collection kids pour les enfants. Donc voilà, Kaze Manga, gros éditeur. On peut y retrouver donc Black Lagoon, qui est assez vieux entre guillemets. Ils ont sorti un super coffret collector avec les 10 premiers tomes. Le 11e est sorti il y a quelques temps, voire peut-être plus. Je ne sais pas s'ils ont sorti le 12e, à vérifier. Une série donc aussi que j'aime beaucoup, qui est au niveau du sport, c'est Rikudo, manga de boxe, seinen, très très bien. En parlant de seinen aussi, il y a Fire Punch, qui est fini en 8 tomes de mémoire. Ouais, 8 tomes finis. Et ils sortent aussi du coup le nouveau manga de... Donc de ce même mangaka qui est Shensouman. Donc je n'ai pas encore les tomes, mais dès que le confinement est fini, je vais l'acheter, c'est sûr, parce que j'adore le trait de l'artiste et même son histoire déjà de Fire Punch était vraiment très très bon. Et mon gros coup de cœur dans ce moment, on l'a déjà présenté sur deux lirambules avec Jeff, ben c'est The Promised Neverland, forcément, de chez Kaze, qui est le gros coup de cœur de ces dernières années. Voilà. Vous avez sûrement peut-être des mangas de cœur, vous aussi, à présenter de chez Kaze. Déjà, je ne sais pas si tu l'as dit, Kaze, par exemple, tu as aussi Okutonoken, qui est dans les grosses séries. Bien sûr, je ne l'ai pas cité, mais c'est vraiment... Après, ouais, moi, côté Kaze, j'ai récemment, c'est un seinen, c'est Ikigami Préavis de mort, qui était vraiment vachement bien aussi. Okay. J'avais vraiment surkiffé. Et moi, j'ai fait un peu tâche. Le seul manga que j'ai de chez Kaze, tu l'as cité, c'est The Promised Neverland. Après, j'en ai pas tant que ça, donc voilà. Si, j'ai vu aussi, c'est eux qui avaient fait Belzebub, non? Je sais pas. Si, ouais, je vois, c'est Belzebub, c'était eux aussi. Ouais, ok, d'accord. Ouais, gros titre aussi, excellent. Shonen, mais... très très cool, le bébé Belzebub qui arrive sur Terre et qui va se lier d'amitié, enfin qui va se lier en fait à son maître qui est un jeune lycéen très bagarreur. Qui a été sélectionné parce que justement c'est un monstre et du coup il faut qu'il continue à être méchant pour éduquer le bébé. Voilà, du coup il essaie méchants. De devenir gentil, ouais, c'est ouais. N'importe quoi. C'est vraiment très très drôle, les combats sont fabuleux et les relations entre les personnages sont très très bons. Donc ouais, plus en fait il devient méchant et plus il fait de la baston et plus le gamin il s'attache, il est content, il est heureux et puis il va lui donner du pouvoir au héros. Mais du coup le héros il veut s'en débarrasser donc il va essayer d'être gentil mais ça va pas fonctionner. Enfin très très drôle, très bien. Et du coup maintenant on va passer chez Kayun avec Nico. Ouais, Kayun, entreprise qui a été créée en 2003. Chose intéressante, en fait, les deux créateurs donc de la maison d'édition, qui sont Cécile Pournin et Ahmed Agne, sont deux étudiants qui se rencontrent à la fac, qui ont tout de suite accroché à discuter, et ensemble, ils ont commencé à parler de leur passion, créer petit à petit, justement, la maison d'édition, là, avec leurs idées. Bon, ils ont débuté au début avec quelques mangas, ils ont du mal à chercher. Mais avec le temps, en réussissant à avoir accès à toutes les licences de Square Enix au Japon pour les diffuser en France, ils ont commencé déjà à avoir un peu plus de succès, à grimper, au point qu'en 2010, ils faisaient déjà partie des plus grands des éditeurs indépendants côté manga. Côté Kayun, le truc, justement, je vous parlais de la création de l'entreprise et tout ça, qui se sont rencontrés, c'est assez sympa, sur leur compte Instagram, tous les mardis, et ils font une sorte de mini comic strip où ils racontent une partie de l'histoire de Kayun, des étapes qu'ils ont rencontrer tous. C'est super sympa pour découvrir un peu justement la vie, la création de l'entreprise. Donc je vous conseille d'aller voir sur leur Insta, c'est super sympa. Bon, leur série phare, je pense qu'on la connaît toutes actuellement, My Hero Academia. Mais perso, je vais te taper. Mais alors, perso, par contre, en regardant, j'ai vu que Kayun, c'est eux qui avaient diffusé, par exemple, mes vieux amours des mangas quand j'étais jeune, qui étaient Doubt ou encore King's Game. Et très récemment, de mon côté, alors le truc que j'ai vu cartonner chez Kayun, c'est déjà les chefs-d'œuvre de Lovecraft, qui sont en plus dans une édition magnifique avec un relié un peu cuir, je crois, qui est juste magnifique. Il faut que je me les prenne, d'ailleurs. Et aussi, un autre truc qu'ils ont, et que bon, Adri va être d'accord avec moi et qui est juste génial, c'est Beastar. Ah oui. Ah, Beastar, c'est un chef-d'œuvre. Franchement, c'est trop, trop bien. Alors, du coup, après, ouais, chez Kayun, vous allez peut-être en avoir aussi, d'autres aussi. Ouais. Ils ont pas mal de choses encore. Cœur aussi, un gros, gros coup de cœur. En 3 tomes pour le moment, le 4e n'est pas encore sorti, c'est Magus of the Library, qui est vraiment excellent. C'est pas un format ordinaire, c'est un beaucoup plus de pages. Je pense qu'un tome doit faire au moins 2 tomes, voire 2,5 tomes d'un My Hero. Mais vraiment, c'est une pure beauté graphique. L'histoire, c'est un shonen pas classique, parce qu'en fait, on est dans un monde magique, mais tout est lié en fait donc aux livres. Et la distribution des livres est très rare, très compliquée, ça coûte cher. Et du coup, tu vas suivre en fait ce héros qui va essayer de rentrer dans une école, entre guillemets, de protection aux livres et à la magie, en fait. Et c'est très, très bien. Il y a plusieurs races dans l'univers. Lui, c'est un peu un hybride. Donc, du coup, ben, forcément, il s'est un peu persécuté, tout ça. C'est vraiment... c'est trop bien. Et puis moi de mon côté, Kayun, j'en ai énormément. J'aime beaucoup cette maison d'édition. Alors pour Kayun, il y a la Reine d'Égypte que j'aime beaucoup, qui où on suit l'histoire de Hatshepsut. C'est tiré d'une histoire vraie. Hein. C'est vraiment sur l'histoire de cette pharaone. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé lors d'un précédent débat de confinement. J'ai déjà pu parler d'Isabella Bird que j'avais beaucoup aimé. Là, je suis en train de commencer les Bright Stories où on suit l'histoire d'une jeune femme qui essaye de vivre dans une tribu à côté de la Chine et le mariage forcé et compagnie. C'est tout ça que... Enfin, Kayun, j'en ai énormément. C'est tellement bien comme maison d'édition. Pardon, excusez-moi. T'es souhaité. Non, ouais, merci. Donc, c'est l'émotion de parler de Kayun. C'est beaucoup, beaucoup de choses de bien. C'est ouais, je crois que c'est la maison d'édition où j'ai peut-être le plus de mangas avec, bien sûr, les My Hero Academia que t'as pu citer un peu plus haut. Adrien, vas-y, c'est à ton tour de reprendre le flambeau avec Komiku. Ok, Komiku, donc super belle histoire, Komiku. Peu connue, mais en fait, c'est en 2008 où Sam Suigi et sa sœur Sonia, en fait, ils créent et ils ouvrent une librairie qui s'appelle donc Komiku, située dans le premier arrondissement de Paris. En 2012, donc quelques années plus tard, ils décident donc de créer la maison d'édition Komiku, où Sam Suigi en devient le directeur éditorial en 2013, et il confie en fait la gestion de la librairie à sa sœur. En 2019, grosse baisse de publications, et en fait ils ont carrément arrêté momentanément la distribution en fait et la sortie de leur série de d'août à septembre en fait, car ils étaient un peu vraiment en chute libre sur les ventes et en chiffre d'affaires. Toutefois, ils ont quand même annoncé via un communiqué de presse qu'ils n'arrêteront quand même pas la publication des mangas en cours, et en fait ils continuent de publier maintenant à l'heure actuelle, ils ont relancé la publication de leur série. Et ils ont annoncé en janvier et effectif, donc en mois de février, donc de cette année, en début d'année, la fermeture de leur librairie à Paris pour se concentrer vraiment sur leur maison d'édition, donc qui est Komiku. Komiku, je connais vraiment qu'un seul titre que j'ai déjà présenté dans un ancien podcast qui s'appelle Poupa, en 3 tomes finis, qui est vraiment un chef-d'œuvre en termes de seinen, assez fini en 3 tomes. Donc voilà, vraiment très très bon, que Jeff a pu lire aussi. Donc voilà, je trouve que c'est une belle histoire, Komiku, tu vois. Ils réussissent quand même à sortir beaucoup de tomes différents, et maintenant vous pouvez les suivre sur les réseaux, dont Facebook, où ils sont très actifs, où ils publient et tout leur manga qui va sortir, tout ça. Donc voilà, ils ont repris une bonne relancée, je trouve, dans leur publication et dans leur en tout cas dans leur communiqué et dans leur communiqué de presse, quoi. Enfin voilà. Bon, moi je connais également que Poupa chez Komiku. Et toi, Nico, est-ce que tu aurais un autre titre à nous conseiller ? Conseiller, non, parce que je n'ai pas lu de chez eux. Par contre, ouais, en regardant un peu ce qu'ils ont, il y en a un qui me tente bien, c'est Monk Epic, qui a l'air d'être un truc graphiquement vraiment pas mal. Donc peut-être que je me lancerai dessus. C'est du seinen, c'est le truc que j'aime le plus au monde, qui a l'air assez dark, assez noir, assez gore. Donc je me tenterai peut-être dessus, on verra du coup, peut-être pour une fois un lire en bulle, voir ce que ça vaut. Et ben pourquoi pas, et ben garde la parole parce que maintenant tu vas parler de Kurokawa. Ouais, alors Kurokawa, c'est une petite maison d'édition qui a été créée en 2005. J'ai vu qu'elle faisait partie du groupe Univers de Poche. En soi, après, ouais, j'ai pas trouvé grand chose à dire dessus. Côté série, si, je crois que c'est eux actuellement qui nous ressortent les Full Metal Alchemist. Qui, ça, ben voilà, si vous connaissez pas, foncez. Même moi, faut que je me les achète. J'avais vu l'animé, c'est juste quelque chose de génial. Ils sortent aussi les Hippo. Grand classique parmi les mangas Hippo. Goblin Slayer, qui est le. Sorti de l'animé, qui a fait quand même le feu, quoi, qui a fait le café. Je sais que beaucoup parlaient tout le temps de Goblin Slayer, le manga est vraiment bien. C'est eux qui sortent ça. Et donc aussi, j'ai vu qu'ils sortaient Vinland Saga, un manga dont j'ai souvent entendu parler comme étant quelque chose d'excellent et qui m'a toujours tenté. Donc je pense que je vais me tourner un peu vers Kurokawa. En fait, je vais me tourner vers plein de trucs, mais Kurokawa me tente pas mal justement avec Vinland Saga et surtout Full Metal Alchemist. Ah oui. De votre côté, je sais pas ce que vous avez. Vas-y, Adrien, tu vas peut-être le citer. Kurokawa, moi c'est un gros coup de cœur. Je suis pas mal de séries de chez eux. Donc les Full Metal, je les ai tous depuis un moment. J'ai pas racheté la nouvelle édition parce que j'ai déjà l'ancienne. Mais Goblin Slayer, c'est super. Je vais revenir. Ils ont fait très récemment là, depuis je crois le début d'année ou même l'année dernière, une association avec Tsume. Oui. Tsume Art. On va parler, mais t'as raison. Ouais, avec donc Kuro Tsume, qui est une association donc de Tsume, qui est un éditeur maintenant français. Donc ils sortent deux tomes avec deux mangas différents cette année. Donc Imperium Circus et Dragnafall. Donc voilà, c'est les deux titres qui me viennent à l'esprit, Kurokawa. Il y a quelque chose que vous avez oublié, que vous avez vu l'animé, que vous êtes tous les deux assez fans, alors que moi je trouve ça surcoté, c'est quand même One Punch Man, qui est publié chez Kurokawa. Alors attends, t'as dit quoi là de One Punch Man? Que moi je trouve ça. C'est pour moi un manga surcoté. T'as vu ce que tu lis, tu peux pas te permettre de dire ça déjà de base. Alors déjà, ça se voit que tu ne lis pas One Punch Man. Déjà. En effet, j'ai vu la première saison de l'animé et ça m'a pas réussi à me convaincre de continuer. Non mais la première saison, c'est normal, c'est fait pour. Les scans sont 1000 fois mieux et t'imprègnent 1000 fois plus. Apparemment, côté dessin en plus. Et alors, les dessins, je pense que ça fait partie des top 5. Enfin, c'est ouf, les dessins de One Punch Man. C'est juste ouf. quand je vois ce qu'ils en ont fait avec surtout la saison 2, parce que la saison 1, il n'y a rien à redire pour moi, niveau graphique et niveau animation, quand je vois la saison 2, la catastrophe que ça a été, c'est vraiment presque craché sur le scan, en fait, sur le bouquin. C'est dur ce que je dis, mais franchement, quand tu vois tout le monde l'a dit, hein. Voilà, c'est un manga qui est vraiment fou, quoi. Donc ne vous arrêtez pas à l'animé, qui franchement n'arrive pas à la hauteur du manga, que ce soit dans même la gestion de l'histoire, en fait. Via l'animé, tu n'arrives pas à rentrer totalement dans l'histoire, alors que franchement, niveau manga, papier, ça fait vraiment le café. C'est vraiment bien. Alors, avec One Punch Man, c'est eux qui publient depuis des années les séries Pokémon également, pour ceux qui veulent continuer là-dessus, enfin qui sont fans absolument du jeu vidéo et qui veulent continuer en manga, et bien voilà, c'est Kurokawa qui le sort. Et moi, dernièrement, je me suis acheté la série Nozo Kiana, qui est une mini-série, enfin, une série de 13 volumes, et qui a l'air pas mal et très psychologique et très drôle, à mon avis, où en fait, au niveau du résumé, c'est un étudiant qui arrive fraîchement de Tokyo et qui se rend compte que dans son studio, il a un trou dans le mur et il glisse un œil pour regarder qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du mur et il tombe sur sa voisine qui lui demande si ça l'intéresse. Qui s'épient mutuellement. Donc, je me suis acheté le premier tome que je n'ai pas encore lu, mais je lis de diverses choses. Tu vois, je peux attaquer un My Hero Academia et puis juste après lire ce genre de choses. Ça me permet d'explorer plusieurs choses dans le manga. Donc voilà. Nico, tu vas continuer à parler et tu vas parler de Meian. Ah, Meian. C'est sans doute un peu... pour moi, c'est la maison d'édition que j'aime le plus. Ah oui, mais Yann. Parce que ben, déjà, ils ont réalisé un de mes rêves que j'avais quand j'étais ado, que j'utilisais les scans. C'est une toute petite maison d'édition. Enfin, une petite, ouais. C'est surtout une maison d'édition très jeune qui a été créée en 2017, qui fait partie en fait, du label IDP Home Video. Et donc, pour ceux qui voient un peu par rapport à tout ce que fait Meian, en fait, parmi donc, cette grande société, il y a aussi Anime Store. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de choses, parce que la série phare de Meian, c'est Kingdom. Avant tout, on sait que Meian fait, par exemple, des box, mais surtout, sur Anime Store, il y a aussi un abonnement qui a été mis en place pour pouvoir recevoir tous les deux mois, normalement, je crois que c'est 4 tomes tous les deux mois qu'on reçoit par abonnement. Donc, parce que c'est la série phare. Je trouve qu'en plus, Meian a fait un super boulot parce que Kingdom, c'est un super manga qui est juste génialissime, je l'ai dit. Qui, donc, du coup, en France, on n'avait rien avant et donc on avait beaucoup de retard par rapport au Japon. Ils se sont vachement démenés, justement, pour sortir rapidement. Je crois que tous les deux mois, tous les deux mois, ils sortent quasiment 3-4 tomes. Donc, ils se démènent vraiment à les sortir. Je les aime beaucoup. Côté com, en plus, ils sont souvent là à repartager tout et répondre en plus à chaque remarque qu'on fait et tout. Donc pour moi, c'est un peu mon petit chouchou avec Kiyun, c'est un peu les éditeurs que j'aime le plus en soi. Là où, comme je disais, ils ont réalisé un peu mon rêve quand j'étais ado, c'est que je lisais les scans de The Breaker. Oh là là. Ça sortait jamais en manga, j'avais kiffé des scans, j'avais bouffé les The Breaker New Waves. Et ils nous ont sorti ça, ils font pas mal de trucs du genre, d'ailleurs Meian, c'est là où je les aime beaucoup, des box d'une dizaine de mangas à l'intérieur, donc souvent des box complètes, soit d'un arc, d'une série. Je sais que par exemple The Breaker, la première série, c'est une seule box, les New Wave, c'est deux box à l'intérieur, en plus donc des mangas, on a des posters, des lithographies, et donc il y a pas mal de choses. Je les aime beaucoup, après... Dans la première box de The Breaker, l'intégrale, le premier... Parce que moi, je suis comme Nico, je suis ultra fan de Meian aussi. J'ai les box de The Breaker. Et ils ont même sorti un artbook avec la première box de The Breaker. Et après, donc, ils ont pas mal de séries. Au moins, il y en a une qui me tente un peu aussi chez Meian. Enfin, ils ont pas mal de séries assez sympas. Moi, j'en ai vu une qui me tente un peu, c'est le Ninja des Fous, qui a l'air sympa. Mais après, voilà, ils ont Swordsman, ils ont vraiment pas mal de séries qui commencent à sortir. Ils partent sur plein de trucs maintenant, Mayan. Et je trouve qu'ils ont vraiment, pour quelque chose qui date de 2017, ils font un super boulot et commencent à sortir pas mal de choses. Franchement, ils sont à fond dans leur boulot. Donc, moi, c'est vraiment l'éditeur que j'aime le plus actuellement. Ah ouais, après, franchement. Ouais. Mais Yann, je sais pas, en dehors de Kingdom ou Breaker, je sais pas si vous avez lu autre chose, vous. Si, moi, je lis. Pour revenir sur Mayan, ils ont fait un gros coup de poker aussi en rachetant Kingdom, parce qu'en fait, comme tu disais si bien, on avait beaucoup de retard sur Kingdom en France. Ben, c'est simple, on avait 50 tomes de retard, donc je ne sais pas si vous pouvez imaginer, mais c'est plus qu'un retard, c'est en fait, il était oublié, ce pauvre, ce chef-d'œuvre. Oui, c'était un gouffre. Pourquoi? Parce que chaque maison d'édition avait déjà un gros monument manga en fait chez eux, et ils n'ont pas voulu tenter d'en avoir un supplémentaire. Et du coup, Mayan, ils ont dit, ok, on va tout mettre en jeu, on va vraiment presque hypothéquer la maison entre guillemets, et on va faire confiance en ce monument. Et ben, ça a fonctionné, et c'est pour ça que maintenant ils sont aussi connus, ils peuvent sortir des magnifiques box et aussi racheter plein d'autres contrats, plein d'autres mangas, comme moi qui ai un gros coup de cœur aussi, qui est fini au Japon en 11 tomes, c'est Yomangang qui est un coup de cœur. Moi j'avais vu l'animé à l'époque, c'est génial. C'est ça, ils avaient sorti l'animé il y a déjà quelques années de ça, et là, le pouvoir les acheter en manga, c'est vraiment trop bien, donc voilà. Bon, ben sur ce, Nico, tu nous parles un peu de Nobi Nobi ? Oh putain, mais j'arrête pas d'enchaîner là. Je suis payé à force ou pas là ? Ben ouais, t'es payé par l'amour des auditeurs qui t'entendent parler. Ouais, la passion, d'accord. Nico, la passion. Bon, alors Nobi Nobi, c'est une maison d'édition qui a tout juste 10 ans. Ça a été créé en 2009 et surtout lancé en 2010. Alors, ce qui est sympa, c'est quand j'ai vu les créateurs en soi, donc de la maison d'édition, on a d'un côté Olivier Paciani, qui est un ancien directeur artistique d'une maison d'édition, et aussi Pierre-Alain Dufour, qui est un ancien responsable culturel de la Japan Expo. La spécialité de Nobi Nobi, parce que j'ai un peu fouillé en soi parce que je connaissais rien leur manga, c'est qu'ils sont surtout spécialisés donc pour les jeunes éditeurs, enfin les jeunes lecteurs, parce qu'ils proposent du contenu pour des lecteurs de 3 ans jusqu'à 11 ans, avec donc par exemple, je pense pour les tout-petits, des ouvrages avec pas mal d'animaux, par exemple on a Pampan, Panda. Chose aussi qui m'a surprise, ils ont les aventures de Happy, donc Happy de Fairy Tail. C'était assez drôle de se dire que c'est pas justement l'éditeur qu'a Fairy Tail qui sort les aventures de Happy. Ils ont aussi les mangas Disney, je savais même pas que ça existait en soi, ils ont des mangas Disney, aussi des mangas d'adaptation littéraire comme par exemple Le Comte de Monte Cristo. Donc côté licence, ils ont pas des trucs super connus, à part si par exemple on prend Disney, mais je pense que très peu de monde doit lire les mangas sur l'univers Disney. Mais après, sinon, c'est vraiment spécialité, surtout donc jeune lecteur avec des petites aventures et des mangas qui, bon, par rapport à ce que j'ai vu, semblent pas super connus. Je ne sais pas si vous, par rapport à Nobi Nobi, vous avez déjà lu quelque chose. Non, donc, rappelle-moi, donc, du coup, c'est à partir de quel âge, Nobi Nobi ? Dès 3 ans, déjà. Je crois que, par exemple, Pampan Panda, c'est une lecture qu'on va avoir dès 3 ans pour un enfant. D'accord. Bon, par contre, le truc qu'il va falloir m'apprendre, c'est qu'un enfant de 3 ans, ça ne lit pas encore. Donc, faut que papa ou maman supporte derrière de lire le manga, quoi. Mais voilà. Non, mais moi, ça sera un beau cadeau pour ma petite nièce. Non, mais de toute manière, toi, à 3 ans, tu vas lui lire quoi? Du Berserk, on est d'accord. Ah oui, bien sûr, ouais. Toujours plus. Tiens, je viens de regarder ce qu'ils ont. Ils ont, par exemple, dans leur manga, chose très bien par rapport à l'histoire, c'est Hachiko, l'incroyable histoire d'un chien fidèle. Pour ceux qui connaissent pas la légende d'Hachiko, oui, Hachiko. Okay. Ça doit être sympa peut-être à lire en manga, tiens. Ouais. Ça doit être plus sympa de lire. Ça doit être très sympa à lire. Allez, Adrien, on va parler de Ototo et de Taifu Comics. Je te laisse commencer sur Ototo. Eh bien, parfait, je vais commencer du coup. Donc, Ototo, donc, c'est une maison d'édition qui a été créée en novembre 2011 par la société Euphor, en fait. Donc, Euphor, c'est une grande société donc, d'édition de mangas et de littérature. Donc, cette maison d'édition, en fait, elle assure la publication donc, des mangas shonen, seinen, shoujo. Et en fait, elle va laisser toute la partie... Donc, des titres de genre yoi, yori, yaoi et hentai en fait à Teifu Comics. Donc en fait Teifu, Jeff va vous le présenter juste après, mais ils sont tous les deux reliés. Voilà. Donc Ototo, ils ont des titres en fait que j'adore, que je n'ai pas beaucoup en bouquin, mais que j'adore. Donc ils ont Danmachi qui ont eu deux séries animées. Déjà publié, plus un spin-off sur un des personnages de Danmachi. Danmachi, c'est trop bien, c'est vraiment shonen, donjon, exploration de donjon, guild, voilà. Ils ont le grand SAO, Sword Art Online, donc c'est eux qui le publient. Ils publient aussi ReZero, qui est sorti en animé. Un spin-off a été sorti, il y en atteint la saison 2 de ReZero. Donc un shonen aussi. Et pour moi, le gros coup de cœur et ce que je lis le plus de chez eux, c'est Made in Abyss. Donc voilà, série aussi, animé, film. Enfin, c'est un seinen Made in Abyss. Graphiquement, ça sort vraiment du lot, je trouve. On n'a pas l'habitude de graphisme comme ça en manga. Le format aussi. Un nombre de pages c'est le même qu'on peut retrouver sur d'autres types de manga classiques, mais par contre il est un peu plus grand en longueur largeur, en fait c'est des formats un peu plus grands sur Made in Abyss. Donc voilà, je pense que Made in Abyss sera vraiment peut-être à en parler plus profondément sur un lire en bulle, parce que c'est vraiment ultra bien. Donc voilà pour moi, pour Ototo. Je ne sais pas si vous avez des titres, vous aussi. Non, pas du tout. Alors moi, de ce que j'ai vu, si, il y a les No Game No Life, sauf que le problème des No Game No Life, c'est qu'il n'y a que deux tomes et on n'a jamais la suite. C'est quel dommage. Pour le moment, on n'a pas la suite. Par contre, j'ai vu aussi un animé qui était sympa, c'était les Hasselworld, qui oui. J'ai vu, là, apparemment, c'est un 8 tomes. Qui était j'avais vu l'animé que j'avais adoré, je savais même pas que ça existait du coup en manga en France. Ouais, j'intéresserais en fait, peut-être dessus. Hasselworld, en fait, c'est pas des prémices, mais c'est par le même mangaka que SAO, en fait. Ah ouais, ah mais je comprends pourquoi j'ai kiffé alors. Ben ouais, voilà, en fait c'est ça, en fait c'est le même mangaka qui a fait les deux. Alors, moi, de mon côté, je vais parler de Teifu Comics, donc, qui est une vieille maison d'édition qui a été créée en 2004 et qui est la marque commune, enfin, voilà, qui est un dérivé de la société Euphor, comme l'a expliqué Adrien. Et ce n'est qu'en 2012, avec la création donc, de Ototo, que Teifu Comics a décidé de se spécialiser dans les titres pour adultes, donc yaoi, yuri et hentai, comme a pu le dire Adrien. Et ouais, moi j'aime bien Teifu Comics, en fait j'en ai beaucoup. Alors ils sont pas tous à moi, je précise, avant que vous foutiez de ma gueule, je vous entends rire déjà, Adri et Nico. On a encore rien dit, arrête, attends qu'on me dise quelque chose au moins. C'est ma femme qui est actuellement dans une période de yuri yaoi, donc elle en achète pas mal. Arrête de tomber dans l'excuse de ta femme, c'est pas grave. Et quand elle lit ses yuri, il y en a certains que je récupère et que je lis et que j'apprécie énormément, comme Kaze-san, qui est bientôt terminé. C'était un manga en cinq tomes. Ou dernièrement, où j'ai commencé Citrus, qui est également un yuri, qui est en 10 tomes et un spin-off qui est en cours au Japon, un spin-off suite. Et voilà, ouais, j'aime bien les yuri, ça change un peu du seinen, des seinen que je peux lire. Et voilà, donc ouais, je lis beaucoup en ce moment, j'ai pas mal de yuri en attente, et donc pas mal de choses qui viennent de chez Teifu. Et par contre, je dois vous avouer quelque chose. Sur la série Citrus, je trouve que ma femme ne les achète pas assez vite. Je sens que je vais les acheter plus vite qu'elle. Plus vite qu'elle pour pouvoir les finir. Parce que c'est assez addictif. Vous avez peut-être des conseils de lecture, peut-être en yaoi, Adri, non ? Pas du tout. Non, toujours pas. Non, c'est pas. C'est... Je dis pas que c'est pas bien, attention, mais c'est pas mon kiff, quoi. C'est pas ce que je préfère. Et toi, Nico, Uri, yaoi ? Non, c'est comme quand t'es petit, que tu es dans les magasins, les libraires, où t'as les magazines de cul tout en haut. Moi, c'est pareil, il y a un an que je vais pas chez mon libraire. voilà, quoi. Donc, non, j'ai rien dessus. Ouais, vous êtes. Vous me décevez. Bon, c'est pas grave, je continuerai à parler que de ça, moi. On te laisse dans ta spécialité de Yuri et yaoi, Jeff. Non, on Yuri, Iki, Hentai, je veux bien, yaoi, c'est pas ma tasse de thé. Donc voilà. Bon, bah, Nico, on en parle énormément en comics, mais on va parler un peu de la branche manga. Est-ce que tu veux bien parler de Panini? Est-ce qu'il y a grand chose à dire sur Panini, le côté manga? Panini, déjà, si vous ne savez pas, c'est une très vieille maison d'édition, parce que c'est une maison d'édition qui est à la base italienne, qui est un peu présente partout, hein. Même Panini, j'ai vu côté comics, c'est même en Angleterre, j'aurais même pas cru. Donc, côté manga, déjà, c'est catastrophique, si on doit dire. Beaucoup de problèmes dessus. Côté comics. Côté manga, j'ai regardé un peu, je sais qu'actuellement, bon, ils surfent sur la vague de Kimetsu no Yaiba, donc les Demon Slayer, qui au départ quand même s'appelaient les Rôdeurs de la Nuit chez eux, et qu'ils avaient arrêté directement la diffusion, ils avaient arrêté de les imprimer. C'était une chose que j'étais surpris, mais qui était assez sympa. Avec la sortie de l'anime qui a reboosté complètement le truc, ils ont ressorti donc à nouveau le manga, mais sous le nom donc de Demon Slayer, comme l'anime. Et ils ont offert, du coup, pour ceux qui avaient les Rôdeurs de la Nuit, les tout premiers tomes qui ont été diffusés, les couvertures pour les mettre sur leur manga, et donc les couvertures qui étaient du coup plutôt avec le nom de Demon Slayer. Après, en soi, ils ont pas mal de séries. Je vois que c'est eux qui ont les City Hunter, Enfer et Paradis aussi. Ace, ouais. Ouais. C'est aussi, moi, je vois surtout, chose qui m'a très intéressé, parce que moi, en lisant actuellement les Monsters de Kurosawa, je suis très tenté par les 20th Century Boys, et j'ai vu, c'est eux qui ont ça, qui vont commencer à sortir ça. Dans une nouvelle édition, apparemment. C'est leur spécialité de changer tout le temps d'édition pour un même truc. Dès que je la sorte, j'étais obligé. Et donc, ils vont sortir ça apparemment en septembre. Après, s'ils ont aussi un peu de ce que je vois de Senseiya. Et sinon, en soi, côté Panini, je connais pas grand chose parmi leurs mangas quand même. Je suis pas sûr d'avoir lu grand chose chez eux. Bah, moi, j'ai que Demon Slayer. Ouais, c'est pareil pour moi. Hein. Bon, côté comics, ils ont chopé les auteurs. Ils ont été dépassés, quoi. Enfin, franchement. C'était Panini, ça. Non, mais attends, c'est on pas qu'ils ont été dépassés. Non, mais on va pas revenir. Non, Adri, c'est pas qu'ils ont été dépassés. Je peux pas te permettre de dire ce genre de choses. Il faut que quelqu'un joue l'avocat du diable. Ou plutôt le procureur. Ou plutôt le procureur contre eux. Donc, le problème de Panini, parce que bon, il y a quand même un sacré problème, c'est qu'ils se sont dit, bon, ben, la branche manga ne fonctionne pas, on ne réédite plus, on ne fait plus rien, on abandonne tout, un peu comme ils avaient fait sur les réimpressions de certains comics, et ils ont laissé jouer totalement les enchères. Hein, à cause de ça, les enchères se sont montées sur Demon Slayer, parce que avant qu'ils réimpriment Demon Slayer, il était à combien le premier tome qu'on pouvait trouver sur eBay? Il était à un prix complètement fou. Et ce problème, c'est que comme d'habitude, Panini commence quelque chose et puis s'arrête en plein milieu en disant « Bon, ben non, allez, c'est bon, il n'y a personne qui nous lit après tout, on s'en fout. » Et puis, il y a toujours des pigeons qui vont se concentrer sur les comics plus que sur les mangas. Alors que c'est complètement honteux ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont quand même des bonnes séries, comme Nico a pu dire, du Senseiya. Bon, moi, en ce moment, j'ai terminé l'anime City Hunter, peut-être m'acheter le manga chez eux. Ils ont 4 Ace, ils ont beaucoup de choses, mais ils ont quand même arrêté la production, mais sans communication, d'énormément de séries qu'ils avaient à eux. Ouais, ils se sont dit, ça marche pas, on ne communique pas et on arrête. S'il faut, personne ne fera attention. Mais c'est une honte, cette maison d'édition. Même d'autres maisons d'édition qui sont beaucoup plus petites qu'eux et qui sont, on va dire, entre guillemets, un peu plus ric-rac sur leur argent, quoi. Et bien, quand ils commencent une série, au moins, ils vont jusqu'au bout, tu vois. Même s'ils n'en publient pas beaucoup, même s'ils publient pas beaucoup d'exemplaires, mais au moins, ils continuent. C'est, je crois... Alors, je veux pas dire de conneries parce que c'est de mémoire et j'ai une très mauvaise mémoire. Je crois que c'est Pika qui a les Gundam. Je sais plus. Oui. Alors, Panini et Pika se partagent, mais Pika, ils avaient l'École du Ciel qui était une série dérivée de Gundam. Et bien voilà, l'École du Ciel. Et bien Pika a dit, OK, bon, l'École du Ciel, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. La France n'est pas friande de Gundam, hélas, parce que je suis trop fan. Bref, ce n'est pas le sujet. Ils ont dit, parce que j'étais à leur conférence à Angoulême, ils ont dit, OK, l'École du Ciel, ça ne fonctionne pas beaucoup. Ben, on va aller jusqu'au bout du manga quand même. On va pas lâcher les lecteurs comme ça. On va aller jusqu'au bout, on va réduire les exemplaires. Et après ça, on arrête. Voilà, on laisse un peu quelques mois sur le marché jusqu'à la fin du manga. Et après, on arrêtera de les publier. Mais au moins, ils vont jusqu'au bout, tu vois. Que Panini, ils ne savent pas le faire. Ils arrêtent au bout du moment. Et puis, ça fonctionne. Ben, on va rééditer. On va faire une nouvelle édition. Est tellement mauvais que, on n'en met pas assez. Donc, du coup, le tome 1 et 2, il s'est écoulé à une vitesse folle. Le tome 3 et 4, il est sorti. Tu ne voulais même plus trouver le 1 et 2 parce que c'était un acte de réédition. Enfin, tu es là, mais ce n'est pas possible, quoi, les gars. Mais on tombe sur la tête. Quoi. C'est toujours soi-même qu'on t'appelle. Je suis désolé, on parle de manga, enfin on a parlé de comics, on leur a fracassé leur gueule en janvier dernier, parce qu'il faut le dire, en janvier, on est tombé sur Panini, mais comme jamais, je suis tombé sur Panini. Mais de l'autre côté, tu vois, on parle de bonnes séries, on parle d'éditeurs de manga depuis le début, donc on a parlé de petits éditeurs, hein. On peut parler de petits éditeurs comme Akata, comme Meian et compagnie, comme Komiku quand même, qui ont arrêté la librairie pour se consacrer uniquement sur leur maison d'édition de manga. Et de l'autre côté, on a Panini blindé de thunes qui fait absolument n'importe quoi. Et Demon Slayer est un exemple. C'est un exemple quand même. C'est exactement ça. C'est qu'à côté de ça, tu vois, t'as des maisons d'édition un peu plus petites qui se démènent pour sortir leurs produits de qualité à un temps record. Parce que Meian, ça a été un temps record. Les 4 premiers mois, ils ont sorti 2 tomes par mois et maintenant, ils sont à 4 tomes tous les 2 mois. C'est une production folle. On n'a jamais vu ça, quoi. Et un an et demi, ils ont rattrapé le Japon. Ah, à côté de ça, t'as Panini qui sont effectivement blindés parce que c'est une grosse maison d'édition, hein, et qui font n'importe quoi, quoi. Enfin, je sais pas comment ils se démerdent sur leur marché. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Et c'est le moment de souhaiter un joyeux déconfinement à Panini et d'attaquer Pika avec Adrien. Voilà. Vas-y, Adrien, t'as la parole sur Pika. Ah, Pika. Ah ben Pika, parlons-en de Pika. Ça, c'est une bonne maison d'édition, tu vois. Et blindé de thunes. Donc, ça a été créé en 2000. Donc, ils lancent leur magazine de prépublication mensuelle en 2003. Donc, 3 ans après leur ouverture. Mais ça n'arrête que 2 ans plus tard, car non rentable, hein, comme on a pu encore une fois le révéler. Donc, les magazines de prépublication en manga, ça ne fonctionne pas en France. Au bout de 2 ans, ils sortent Shonen Collection, qui est leur magazine. Donc, ils sortiront ils ont sorti leur 30e et dernier magazine, donc fin novembre 2005. Pendant cette même année, Pika produit donc ses propres mangas en commençant par Dis et Dreamland. Donc, c'est des donc surtout Dreamland, qui est quand même un gros manga de chez Pika et donc qui est français. Donc bravo à eux, parce que en 2005, c'est quand même tôt pour par rapport à d'autres maisons d'édition qui font quand même confiance à du produit français. Ils font aussi en 2015, ils se lancent dans la publication en simultané avec le Japon, donc des chapitres, avec comme premier titre donc l'Attaque des Titans, qui sortent en même temps en fait que le Japon. Donc bravo à eux aussi pour cet effort-là et pour un peu se démarquer aussi des autres maisons d'édition. Donc les 20 ans de Pika, c'est cette année, et ils ont quand même de gros titres passés et maintenant aussi de ce jour. Donc on peut parler pour moi donc de, ils ont les Sakura que tu suis, Jeff, il me semble. Et que j'ai terminé. C'est bon, j'ai acheté le 9e et dernier tome de la première série. Après, il y a les clones qu'il faut que je me prenne plus tard. Voilà. Ils ont, pour moi, un gros, gros shonen que je n'ai pas en bouquin, mais ça, c'est dans mes petits papiers, là. Il va falloir que je les prenne tous. C'est les Seven Deadly Sins, parce que j'ai adoré la série, que ce soit papier ou animé, même si la dernière saison... l'animation était parfois un peu en dedans, dommage, mais l'histoire est quand même super bien. Ils avaient de mémoire les nanas aussi, je crois, non ? Non, les nanas, non, c'est exclusivement Delcourt qu'ils avaient du début jusqu'à la fin. C'est ce que je disais, où en fait, Delcourt, avant d'acheter Tonkam, il publiait déjà des mangas comme d'ailleurs Nana, qui était sous la belle Delcourt et pas Tonkam, quoi, et qui reste sous la belle Delcourt. Bon, mais à coup pas. Et moi, le gros coup de cœur de cette année, de l'année dernière, c'est l'Atelier des Sorciers. C'est un manga sur la magie et vraiment ce qu'il y a à retenir, c'est l'histoire, mais surtout c'est le graphique. Franchement, les dessins sont super beaux. Beaucoup de finesse dans les traits de dessin, c'est magnifique. Donc ils font toujours un effort en plus pour sortir des éditions collector avec des variantes cover qui sont magnifiques. Donc voilà, pour moi les titres de chez Pika. Et pour vous, même si j'en ai d'autres, mais voilà, c'était un peu les gros que j'avais en tête. Vas-y, Nico, fais-toi plaisir. Je ne sais pas si tu les as cités, mais Pika, il me semble, c'est eux qui ont fait les Ergir. Oui, j'allais le citer. Qui était un sacré truc. Ergir, c'était un gros coup de cœur aussi, Ergir. Ah ouais, c'était un truc de fou. GTO aussi, c'est eux qui publient ça. Ouais. Donc moi, par exemple, j'ai regardé vite fait, ils ont le Muséum, donc on a souvent parlé, j'ai souvent parlé, le Nain aussi, là, donc, que j'aime résumer à mon manga avec les nazis, qui sont deux seinen super bien. Et alors surtout, le truc que j'ai vu, c'est parce qu'en ce moment, je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, complètement en love de Urasawa qui a fait Monster, où je disais que chez Panini, je voulais me prendre les 20th Century Boys, je vois que là, c'est eux aussi qui ont Billy Bat, du même auteur, que je veux absolument me prendre. Moi de mon côté, bon, t'as cité Sakura que j'ai, t'as cité Ergir, Nico. L'Atelier des Sorciers a été cité également, qui est également un de mes plus grands coups de cœur. Un des plus grands monuments qu'a eu notre éditeur, enfin cet éditeur Pika était quand même Fairy Tail, qui a fonctionné pendant des années, quoi, hein, et qui s'est terminé que dernièrement et qui continue à vivre à travers Pika avec quelques spin-offs qui sont oubliables à mes yeux quand même. Mais voilà, il y avait quand même Fairy Tail, Seven Deadly Sins, tu les as cités, donc là je peux pas le redire. Et voilà quoi, t'as tout cité, quoi. J'ai pas cité Bakemonogatari aussi. Oui. Fuldroom, un manga sur le rugby, ça je pense que je vais me le prendre. Moi qui suis rugbyman, j'ai peur de lire des mangas sur rugby. C'est con, hein, mais j'ai trop peur d'être déçu ou quoi, je sais pas. Je n'arrive pas à me lancer sur des mangas alors que j'adore les mangas de sport, mais j'ai du mal à à me lancer sur les mangas de rugby. C'est... Alors, je vais parler d'un blogueur assez célèbre que je suis sur les réseaux sociaux, c'est Xanderon qui en a parlé. Et honnêtement, ça me motive parce que ce n'est pas du Olivier Tom. Ça n'a pas l'air exagéré. Donc, je pense que je vais les acheter. S'il n'y a pas grand-chose, c'est 5 tomes. Il n'y a que 5 tomes au Japon et c'est terminé. Donc, je vais essayer, je vais tenter le coup. Ça peut être tentable. Hein. Écoute, tu me diras ce que tu en penses et je l'achèterai peut-être. D'accord, ok. Et voilà, ben pour terminer au niveau des éditeurs, je vais parler du dernier qu'on n'a pas encore cité. C'était Vega, qui est, encore une fois, une petite maison d'édition qui a été créée en février 2018 par le groupe Stankis qui est déjà spécialisé dans la bande dessinée, des romans graphiques, livres d'humour et compagnie. Donc voilà, Stankis qui est une petite maison d'édition, hein, donc pas aussi connu, pas aussi grand que Dupuis, Casterman et compagnie. Et donc, ils ont laissé la main à Stéphane Ferrand qui travaille sur Vega, qui a proposé plusieurs tomes et qui s'est très vite développé. Et comme Tom, on peut citer Natsuko no Sake qui est sorti, que je lis, qui est un très vieux manga qui est enfin sorti en France. Il n'y aura que 6 volumes et par contre les tomes sont gros, ça doit faire je dirais il doit faire 500 pages si c'est pas plus, donc on tombe vraiment sur du gros tome et voilà, c'est mon coup de cœur chez Vega, ouais, c'est Natsuko no Sake et je vais voir ce qu'ils proposeront à l'avenir pour pourquoi pas acheter et essayer. Est-ce que vous connaissez Vega? Est-ce que vous connaissez Vega ou pas du tout? Pas du tout. Non, je suis un petit peu en train de regarder si j'ai des titres qui me reviennent. Ouais. Non, je regarde ce qu'ils ont. Je connais pas du tout même. Les séries qu'ils ont, la plupart. Hein. Ouais, c'est assez petit. Ils ont sorti une dizaine de séries, donc ouais, c'est assez petit. Mais on a beaucoup parlé des petites maisons d'édition qui essayent de faire connaître le manga autrement et qui se mettent vraiment du cœur à l'ouvrage. Et je pense que Vega en fait partie parce que c'est pas un risque, mais prendre le pari de nous sortir un manga sur le saké avec sur un gros volume, hein, parce que bon, on le paye quand même une petite dizaine d'euros le tome. C'était un petit pari risqué. Et je pense que ça fonctionne assez bien auprès des gens. Donc voilà, c'est bien terminé de parler par eux. Oui. Et puis voilà, ben écoutez, 1h30 pour parler de toutes les maisons d'édition de manga, où c'est pas mal, je trouve. On s'est bien débrouillé. Pour ceux qui écoutent le manga, qui ont écouté le podcast, n'hésitez pas de nous parler de vos maisons d'édition favorites, de vos titres favoris dans ces maisons d'édition. Et si on a loupé par malheur... Je ne pense pas, je touche du bois, mais si par malheur on a loupé une maison d'édition, n'hésitez pas à nous en parler dans nos différents réseaux sociaux. On essaiera de rectifier le tir dans un autre débat comics. Pour terminer, ben voilà, le confinement se termine. Ces éditions spéciales de débat de confinement se terminent logiquement avec. Seul l'avenir nous dira comment on va reprendre l'émission, si on va continuer un peu via Skype ou en direct, ça on ne sait pas encore, on n'en a pas encore discuté, mais voilà, confinement terminé, c'est le moment, retournez voir vos libraires indépendants, faites-les fonctionner, ils seront contents de vous revoir. Je sais que Guillaume de BD Ciné sera très content de voir Nico claquer toute sa thune à BD Ciné. Ouais, enfin, Guillaume va me détester. Je pense que je vais peut-être plus partir côté manga. C'est Aurélien qui sera content. C'est Aurélien qui sera content, c'est pas un problème. Nous, de moi de mon côté, je pensais pas y aller ce mois-ci, mais je vais y aller. claquer ma thune en comics et en manga. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller les voir. Ça va permettre de relancer la machine économique en ce qui concerne les libraires indépendants. Oui, moi je pense qu'il va être aussi content de me voir, surtout côté manga, mais aussi côté comics, mais plutôt côté VO, parce que j'ai mon 4e tome de Berserk en version deluxe qui m'attend. Ah. Donc j'ai hâte de le récupérer. Et de ne jamais y toucher. De ne jamais l'ouvrir, effectivement. Oui. Donc voilà, ben, sur ce, j'ai plus rien à dire. Ah si, un petit remerciement, un dernier petit remerciement pour tous ceux qui nous écoutent. Il y a de plus en plus de personnes qui nous écoutent chaque mois quand on prend nos différents podcasts, qui est le débat de confinement, plutôt le débat comics et l'Irambule. Il y a de plus en plus de personnes qui nous écoutent et ça nous fait plaisir et ça nous motive encore plus à travailler, à faire des podcasts de qualité. Et voilà, c'est bon, cette fois-ci, c'est bon, j'ai terminé de parler et je vais vous souhaiter à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Merci à tous de nous suivre et bonne journée et bonne soirée. À bientôt. Ouais, ciao tout le monde.